les vendeurs de morts, avec les dingues et les paumés. La nuit tu te suicides encore, histoire de mieux te consumer. Un flic déguisé en guerrier, sur le bitume la lumière bleue. Il est tout près de dégainer sur un pauvre type pas malheureux. Tu rêves de l'impossible rêve, de cet amour hors du commun. Mais tu sais bien qu'au bout de la grève, l'espoir est mort, il n'y a plus rien. Alors planté comme un zombie, tu te mets à compter les étoiles. C'est l'heure du crime, il est minuit. La femme est morte sous un voile. Le port de Brest s'en a marré, sous une pluie fine, sous le brouillard. Tu t'es jeté sur le pavé. Les flics t'ont vu, il est trop tard. Les bleus s'en vont, tu restes là, la gueule noyée dans tes envies. Un mec te propose la rabla, tu ne veux pas de son paradis. Il pleut sur Brest et sur ta gueule, le port est peuplé de rats gris. 5h du mat, tu te sens seul, ils ont quand même tué la nuit. Et si rue des vendeurs de mort, tu es vivant, ressuscité. Sur ta paillasse, tu niques la mort. Une fois de plus, tu l'as apaisé. Il pleut sur Brest et sur ta gueule, le port est peuplé de rats gris. 5h du mat, tu te sens seul, ils ont quand même tué la nuit. Et si rue des vendeurs de mort, tu es vivant, ressuscité. Sur ta paillasse, tu niques la mort. Une fois de plus, tu l'as baisé.